damn right, amen. The Lord's coming for us, but he's only coming if we give him what he wants. Give, give, give. Thank you. The Lord thanks you. Jesus loves you, and Jesus loves your donations. Thank you. Seven. Jesus, he sees your promise in heaven. It's yours. For those who give. Thank you. Thank you, brothers and sisters. Thank you very much. Single's okay. Mm-hmm. You're officially defrocked. All right. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue au Lobstage, chapitre 129, verset 0. Vous êtes bien sûr en compagnie de frère Frédérico de l'église de la 37e Mère de Dieu sur Terre. Et dans ce Lobstage, podcast judéo-chrétien, où nous abordons divers sujets avec humour et respect, nous essayerons cette semaine d'aborder un sujet dont on nous parle relativement souvent à la pastorale, les ballons. Non, c'est pas les ballons. Aucune idée pourquoi on parle de ballons, mais c'est beau à dire les ballons. J'adore les ballons. Mais ça, c'est en privé que j'adore les ballons. Dans cette semaine, on vous parle de la place du nanisme dans l'Église. Et oui, le nanisme, un sujet dont on parle trop peu. Et je serais tenté, d'entrée de jeu, de vous rappeler ce passage du livre de la Genèse. Dieu a créé les êtres humains à son image et leur a donné la responsabilité de prendre soin de la création et de vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Dieu a créé les êtres humains à son image. Parfait, à son image. Et quand on réfléchit à cela sous la perspective des personnes de petite taille, que pourrait-on penser? Que croyez-vous que les nains de croyances chrétiennes se demandent? Bien sûr, ils se demandent « Aimes-tu les ballons? » Non, c'est pas les ballons. Non, ils se demandent « Combien de pouces mesurait Dieu? » C'est logique pour eux. Si Dieu les a créés à leur image ou à son image, c'est logique pour eux, dans leur perspective, que Dieu ne mesure que 3 pieds. Même chose pour l'aveugle qui pourra se demander si Dieu était lui-même aveugle ou le sourd qui se demandera si Dieu avait l'habitude de se masturber un peu trop souvent. Mais restons dans la thématique nano-chrétienne. Dieu aurait-il pu être un nain? Car beaucoup d'entre nous, moi le premier, avons assumé que Dieu était de taille normale. Si Dieu a créé les humains à son image et qu'on assume que les nains sont des humains, alors serait-il possible que Dieu ne mesure que 3 pieds 2? Pourquoi pas? J'ai vraiment eu un doute quand je me suis mis à réfléchir à cette question, car de mémoire, dans Matthieu 18, versets 1 à 5, Jésus enseigne ceci à ses disciples sur la grandeur et l'humilité. Dans ce passage, les disciples se demandent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur répond en leur disant qu'ils doivent devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Quoi? Pourquoi la Bible nous enseigne-t-elle de devenir des enfants pour entrer au paradis? Est-ce que ce n'est pas une bonne question? Ne trouvez-vous pas? Qu'ont tous les enfants en commun? Outre le fait d'avoir toujours faim et de voir la porte du frigo comme la porte du paradis. Dites-le-moi. Qu'ont en commun tous les enfants? Eh bien, c'est leur taille. Alors, pourquoi la Bible, le livre sacré pour nous, lobster judéo-chrétien, nous enseigne-t-elle qu'il faut avoir la taille d'un enfant pour entrer au royaume des cieux? C'est une méchante bonne question. Comme mon amour des ballons! Bon, et si, après tout, Dieu mesurait 3 pieds 2 et que tout le paradis était à son échelle, ne serait-il pas impossible de supposer qu'il faudra entrer au paradis par une petite porte? Eh bien non, je vous rassure immédiatement. Car, oui, je crois que j'en ai effrayé plus d'un avec mes propos. Le fait que la Bible enseigne que Dieu a créé les êtres humains à son image ne signifie pas que Dieu était un nain ou qu'il avait une apparence physique particulière. Non, cette affirmation signifie plutôt que Dieu a donné à l'humanité des caractéristiques qui reflètent sa propre nature spirituelle, telles que la capacité de penser, de raisonner, de créer, d'aimer et de prendre soin de la création. Ben ça, on le fait pas très bien avec l'environnement, mais bon. Il est donc important de comprendre que la Bible utilise souvent des images et des métaphores pour communiquer des vérités spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, donc, il y a très peu de chances que Dieu mesure 3 pieds 2 ou même 6 pieds 3. Je pense que Dieu ressemble à ce que nous voulons qu'il ressemble. Par exemple, pour Little Man, Dieu pourra très bien être à son image et raser le sol avec ses 3 pieds 2. Pour Alex, Dieu pourra très bien ressembler à un papou avec sa petite feuille protectrice sur le bout du pénis. Pour Martin, pourquoi Dieu ne pourrait-il pas ressembler à Darth Vader? Je suis ton père! Et pour l'ami d'Alex au travail, qui écoute aussi le podcast, peut-être que Dieu aura la forme d'une imprimante sur laquelle il aime s'asseoir et se photographier certaines choses. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le christianisme est une religion qui est ouverte à tous, indépendamment de votre apparence physique, y compris la taille. Être atteint de nanisme ne fait pas de différence dans la capacité d'une personne à devenir chrétienne ou à pratiquer sa foi. Bien sûr, ça fait une différence quand vient le temps de communier. Le curé est quand même obligé de se pencher pour vous rentrer l'hostie dans la bouche. Mais au niveau de la foi, il n'y a pas de différence. Voilà! Alléluia! Pray the Lord Jesus Christ! Bon, ce début de podcast a quand même été un peu rough pour vous. Allez, je vous promets, on va se détendre pour la suite de la cérémonie de le podcast. Donc, gardez vos chapelets en main, on va bientôt s'amuser. Blague pour vous. Bien sûr, voici une blague qui implique Jésus qui parle à ses disciples. On est dans un podcast judéo-chrétien, je vous le rappelle, donc ça va être des blagues un peu chrétiennes. Un jour, Jésus se tenait avec ses disciples sur une montagne quand il leur a dit « Je vais bientôt partir et vous laisser seul, mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours avec vous. » Un disciple a alors demandé « Comment peux-tu être avec nous si tu vas partir? » Jésus a répondu « Je vais envoyer l'Esprit-Saint pour vous accompagner. » Alors, un autre disciple a demandé « Et comment allons-nous savoir que l'Esprit-Saint est avec nous? » Jésus a répondu « Vous saurez que l'Esprit-Saint est avec vous quand vous entendrez une voix douce et calme vous dire « Je suis là avec vous. » Et là, les disciples étaient perplexes. Alors, Jésus a ajouté « Et si vous entendez une voix un peu plus forte vous dire « Je suis là avec vous », ce ne sera pas l'Esprit-Saint, ce sera juste Pierre. Quel grand comique. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais quand seulement une blague, je serai guéri. L'humour chrétien, ça m'a toujours vraiment fait rire. Ok, une autre petite rapide, vraiment marrante. Pourquoi les moines ne font-ils pas d'achat en ligne? Parce qu'ils préfèrent la paix intérieure plutôt que la livraison rapide. Ok. Pour me faire plaisir, une blague de ballon. Bien sûr, c'est une blague qui va impliquer Jésus, donc respect. Un ballon s'envole, mais ça peut être aussi une balloune. Ok, on recommence. Une balloune s'envole dans le ciel et monte de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elle arrive au paradis. Là, la balloune rencontre Jésus et lui demande « Seigneur, puis-je vous poser une question? » Jésus répond, « Bien sûr, ma fille, quelle est ta question? » La ballonne demande, « Seigneur, est-ce que je suis dans la Bible? » Jésus sourit et répond, « Non, ma fille, je suis désolée, tu n'es pas dans la Bible. » La ballonne est déçue, mais Jésus ajoute, « Mais ne sois pas triste, tu es dans mon cœur et dans mes pensées, tout comme tous les êtres vivants que j'ai créés. » La ballonne sourit et s'envole joyeusement dans le ciel en sachant qu'elle est aimée par Jésus, même si elle n'est pas dans la Bible. Voilà, petite blague de ballonne. Je peux pas vivre sans toi, Jésus. Et je sens ta présence tout au fond de moi, Jésus. Trop bien. Voilà, ce podcast 129 est bien lancé. Et j'espère que mon approche judéo-humoristique contribuera à faire avancer la compréhension et l'acceptation des personnes atteintes de micro-onanisme dans notre société. Amen. Voilà, c'est dit. Ok, maintenant, petite pause, alors qu'on se lance en musique. Un groupe que l'Église de la Trinité-Sainte, Mère de Dieu sur Terre, aime bien. Ils étaient avec nous la semaine passée lors de la célébration du Dimanche des Rameaux. Fête importante, je vous le rappelle, car elle marque le début de la Semaine Sainte qui commémore les événements de la vie et de la mort de Jésus, y compris la scène, la crucifixion et la résurrection. J'étais moi-même pour cette soirée à la console de... pour cette soirée de rave, chrétien. On écoute donc le groupe Klang Phonique. Allez, on lève la soutane, on s'attache les cheveux, on se fait aller le chapelet et on monte le son. Allez! Like shapes in the spray, the sea breaks on the rock. shapes in his brain. Cela, Simon, fils de Jonas. Tu prouves toi-même que tu es béni entre les hommes. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aussi, dorénavant, je t'appellerai Pierre. De retour dans la grande maison de Dieu, chapitre 129, verset 0. Et oui, vous l'avez sûrement reconnu, j'ai pris le temps de vous faire jouer un petit bout du film Jésus de Nazareth. Et bonne nouvelle pour ceux qui se préparent à le réécouter à l'occasion de Pâques, car oui, c'est un peu comme le ciné-cadeau d'hiver des enfants. La période de Pâques est l'occasion pour nous, fidèles chrétiens et disciples, de réécouter nos classiques. Donc, pour votre ciné-Pâques, je vous propose bien sûr de réécouter Jésus de Nazareth, film de 1977 de Franco Zeffirelli. Ce film retrace la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Il a été réalisé, ce film, pour la TV et est considéré comme un classique du genre. Il ne dure en plus que 6 heures et demie. Et la bonne nouvelle dont je voulais vous parler, c'est qu'il est disponible sur YouTube en version intégrale. Oh oui, intégrale! Donc, pas besoin d'attendre qu'elle le passe à la télé. Vous pouvez dès maintenant aller le réécouter en boucle. Aussi, faudrait pas bouder votre plaisir de Pâques. Et il faudrait bien sûr réécouter Ben-Hur de 1959, le film de William Wheeler. Ce film raconte l'histoire d'un prince juif qui est injustement emprisonné et qui trouve la rédemption en croisant le chemin de Jésus. C'est tellement bon, Ben-Hur, surtout le bout de la course de char, on adore ça. Puis finalement, pour les plus pieux d'entre vous qui ont le goût de sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas réécouter les films de la franchise La planète des singes? Ils ont bien sûr, pas pour thème principal la religion, mais certains d'entre eux abordent des questions philosophiques et existentielles qui peuvent être liées à la religion. Par exemple, dans le film La planète des singes, les origines, sorti en 2001, il est question de l'existence d'une entité supérieure appelée le Créateur que les singes cherchent à comprendre. Ce thème pourrait faire donc écho à des croyances religieuses en une puissance divine ou à des questions métaphysiques sur l'origine de l'humanité. Maintenant, un peu d'actualité spirituelle. Des nouvelles du pape, par exemple. Vous l'avez peut-être entendu dans les nouvelles dernièrement. Il allait pas trop bien, le petit papy. Il a même dû se rendre à l'hôpital. Mais bonne nouvelle, Dieu le protège. Olé, olé, alléluia. Il va bien. Ce n'était qu'une petite infection respiratoire dans ses branchies. Mais il va mieux. Il va retourner bientôt dans son aquarium au Vatican. Et savez-vous quoi? D'entendre parler de pape, ça m'a fait me poser cette question en lien avec notre sujet. Est-ce qu'il y a eu des petits papis, des petits popes? Est-ce qu'il y a eu dans toute l'histoire barbare chrétienne des papes nains, des micro-papes? Eh bien, la réponse est décevante. La réponse, c'est non. Mais même s'il n'y a pas eu de pape historiquement connu pour avoir été atteint de nanisme, il y a eu des papes de petite taille, des petits papis. Par exemple, je vous en parle d'un, le pape Jean 21, également connu sous le nom de Jean de Portugal, a été le pape le plus court de l'histoire de l'Église avec une taille estimée d'environ 1,4 mètres. Jean de Portugal, également connu sous le nom de Jean le Bon, était un roi portugais du 14e siècle. Ben, qu'il ne soit pas directement connu pour ses actions en faveur de la condition des personnes atteintes de nanisme, il est souvent cité comme étant le premier roi à avoir nommé un nain comme membre de sa cour. Ce nain qu'on a appelé Rodrigo, il était un favori de Jean le Bon et était connu pour son intelligence et son charisme. Il était surtout considéré comme un confident du roi et était impliqué dans de nombreux aspects de la vie de la cour. La nomination de Rodrigo en tant que membre de la cour a été considérée comme un geste audacieux à l'époque, car, bien sûr, les personnes atteintes de nanisme étaient souvent exclus de la société, malheureusement, et considérés comme des êtres inférieurs. Donc, par son geste, Jean le Bon a ouvert la voie à une plus grande acceptation des personnes de petite taille dans la cour et dans la société en général. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, que nous l'entourons ton esprit. Ok, on vient de dire qu'il n'y a pas eu de micro-pape, mais selon vous, à quand remontent les plus vieilles mentions de nanisme dans l'histoire de l'humanité? Un peu de recherche, eh bien, j'ai trouvé la réponse pour vous. Les premiers documents écrits de l'histoire humaine remontent à plusieurs milliers d'années. Et certains de ces documents incluent des descriptions de personnes de petite taille. Les textes égyptiens anciens, les papyrus médicaux et les hiéroglyphes datant de plus de 3000 ans font référence à des personnes de petite taille et à leurs traitements médicaux. Dans les écrits anciens de la Mésopotamie, qui remontent à plus de 4000 ans, ben, dans eux, il existe des descriptions de personnes de petite taille appelées des Turcarous en acadien. Ça, c'est une langue utilisée dans la région à l'époque. Ben, ces descriptions étaient liées aux mythes et aux légendes où les kougourous étaient souvent présentés comme des êtres magiques ou divins. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, du gros Gargamel, l'un des textes les plus célèbres de la Mésopotamie, le personnage Andiku, voyons, c'est-tu un... Andiku! Sandiku, c'est japonais. En tout cas... Oh là là! Le petit Andiku, ben, il était décrit comme un kougourou ou petit. Il est présenté comme étant un être sauvage, mais doté de pouvoirs divins. Puis, dans d'autres textes mésopotamiens, les kougourous sont souvent mentionnés en relation avec des pratiques rituelles, comme la danse, olé, et la musique, olé. Ils étaient souvent associés à des temples et à des pratiques religieuses et on leur attribuait parfois des pouvoirs de guérison et de divination. En somme, les écrits anciens de la Mésopotamie montrent que les personnes de petite taille étaient connues et reconnues dans cette région depuis l'Antiquité. Ah oui, les petits, là, ils étaient connus. Leur représentation était souvent liée à des mythes, des croyances religieuses, mais était également présente dans la vie quotidienne. Ils étaient considérés comme faisant partie intégrante de la société mésopotamienne. Hein, je l'ai dit, là. Plus récemment, dans la Grèce antique, le philosophe grec Aristote, lui, y a écrit sur des différences de taille dans son livre « L'histoire des animaux » qui remonte à environ 350 ans avant notre ère. Il a noté que certaines races de chiens étaient plus petites que d'autres et il a également observé que certaines personnes y étaient plus petites que d'autres. Mais, a noté que dans son livre « Histoire des animaux », Aristote a observé que certaines personnes étaient de petite taille, mais il n'a pas utilisé le terme « nain » pour les décrire. Au lieu de cela, il a utilisé le mot grec de l'époque « micro », qui signifiait « petit ». Eh ouais, on a appris quelque chose. Toujours dans l'actualité, cette semaine, je parlais avec un de mes confrères, le père Martin, qui eucharistise à la cathédrale de Saint-Constant, et quand je lui ai parlé de mon petit projet de podcast judéo-chrétien, il a tenu à ce que je vous lise un petit poème qu'il avait composé pour moi. Bien sûr, on se connaît et il sait que j'adore les ballons, donc un petit poème qu'il m'avait composé. Je vous le lis. Dans la ferme de Jésus, il y a des ballons, symbole de l'amour qu'il a pour chacun. Le rouge pour le sang qu'il a versé sur la croix, le bleu pour le ciel où il nous a promis une place. Dans la ferme de Jésus, il y a des ballons qui flottent doucement dans l'air comme des ailes. Ils nous rappellent que nous sommes aimés et que Jésus est toujours là pour nous guider. Dans la ferme de Jésus, il y a des ballons qui nous élèvent vers des hauteurs inconnues et lorsque nous atteignons les cieux, nous verrons le visage de Jésus, notre Sauveur. C'est-tu pas beau? Toute cette symbolique salomonique des ballons. Avec une sœur Matt de la belle incarnation de ce podcast que je préparais sur le nanisme, et elle m'a dit « Frère Frédérico, ça serait intéressant de nommer plusieurs nains célèbres liés à l'Église. » « Ah oui! » lui ai-je donc répondu. Et c'est à ce moment que j'ai dû lui avouer ma grande ignorance. Je n'en connaissais aucun. Aucun nain qui est célèbre lié à l'Église. Elle s'est donc faite, sur Marthe, plaisir de m'aider à préparer cette chronique. Le top 2 des personnes de petite taille célèbres liées à l'Église! Bon, vous me direz, un top 2, ça fait pitié. Mais l'Église, dans toute son histoire de bonté et de sagesse, n'a pas été très, très inclusive pour nos amis les nains. Je ne sais pas si l'Église était trop occupée dans ses croisades, mais il n'y a pas eu une top de nains amis de la grande maison de Dieu, d'où un top 2. Bon, on commence. Le plus connu d'entre tous, celui-là, vous devriez le connaître, c'est qui? Zachée! Et oui, sans blague, Zachée était une personne de petite taille. J'ai été surpris d'entendre ça. Pour ceux qui aimeraient vérifier, vous pouvez vous référer à Luc, chapitre 19, versets 1 à 4, où il est question de Zachée, le collecteur d'impôts. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Ouais, personnellement, moi j'adore Zachée. Pour moi, c'est le fredon de l'anneau et c'est probablement un des personnages bibliques en général. La communauté chrétienne de l'anneau adore le plus. Eh bien, plutôt que vous lire des passages de la Bible que vous connaissez probablement par cœur, je vous chante plutôt la chanson que j'ai l'habitude de chanter en liturgie pour honorer ce beau Zachée. Ça se nomme tout simplement la chanson de Zachée. On l'écoute. Yeah, yeah, c'est MC Fidèle. Je vais vous parler d'un gars nommé Zachée. It's your boy rapping for the king. Let me tell you about a man. Yeah, yeah, listen up. Je vais te parler d'un homme qui a trouvé le salut. Zachée, c'était son nom, collecteur d'impôts de son métier. Il faisait de l'argent sur le dos des gens, vivait dans la honte. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus, le fils de l'homme. Il a grimpé dans un arbre juste pour l'apercevoir, mon gars. Zachée, Zachée, il a changé sa voix. Ouais, ouais, maintenant il vit pour le Seigneur, chaque jour, chaque pas. Jésus l'a vu là-haut et lui a dit, Zachée, descends, je viens chez toi aujourd'hui pour changer ta vie, mon ami. Zachée était étonné. Il savait qu'il avait été trouvé. Il s'est repenti de ses péchés. Et sa vie a été transformée. Zachée, Zachée, il a changé sa voix. Ouais, ouais, maintenant il vit pour le Seigneur. Chaque jour, chaque pas. Il a donné ses richesses à ceux dans le besoin. Il a dit, Seigneur, je vais rembourser si j'ai pris part à visiter. Jésus a dit, aujourd'hui le salut est venu à cette maison. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver les perdus. Yeah. Zachée, il a changé sa voix. Ouais, ouais, maintenant il vit pour le Seigneur. Chaque jour, chaque pas. Maintenant Zachée est un nouvel homme. Il a trouvé la vérité. Il sert le Seigneur de tout son cœur. Chaque jour, chaque nuit, il a la paix dans son âme. La joie dans son cœur, rien ne le brise. Il veut partager l'amour de Jésus avec tous. C'est sa devise. Yeah, yeah. Zachée, Zachée, il a changé sa voix. Ouais, ouais, ouais. Maintenant il vit pour le Seigneur chaque jour, chaque pas. Maintenant Zachée est un témoin. Il raconte son histoire à tous. Comment Jésus l'a sauvé, a changé sa vie pour toujours, sans détour. Il témoigne de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Il est fier et encourage les autres à chercher le Seigneur comme lui, sans barrière. Zachée est un exemple pour nous tous de ce que la foi peut faire. Même les plus grands pécheurs peuvent trouver le salut. C'est la lumière. Si nous confessons nos péchés, croyons en son nom sans hésiter, nous aussi nous pouvons voir la vie éternelle et la paix dans notre âme pour l'éternité. Zachée, Zachée, il a changé sa voix, ouais, ouais. Maintenant il vit pour le Seigneur, chaque jour, chaque pas. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire et que vous avez appris quelque chose sans avoir à boire. Maintenant, souriez et soyez heureux, car Jésus est là pour vous et il ne veut que votre bien-être. C'est fabuleux. Praise the Lord Jesus Christ. Toujours le fun de dandiner le chapelet avec Zachée. Son histoire enchantée méritait d'être chantée. Ok, maintenant, deuxième dans notre top 2 des nains célèbres liés à l'Église. Et comme dans l'Église, on est plutôt reconnu pour notre équité et inclusion face à la diversité, on y va cette fois-ci avec une naine, la naine Sainte-Rose de Lima. Sainte-Rose de Lima était une mystique péruvienne du 17e siècle. Elle était de petite taille et souffrait également de maladies chroniques. Est-ce que vous voulez que je vous raconte son histoire ou que je vous chante son histoire? Ah ah, on y prend goût, je vous entends au loin. Yeah, yeah, MC Fidèle, bring the beat back. OK, on l'écoute. Yeah, yeah, yeah, c'est encore moi, ton gars, MC Fidèle. Je parler de cette femme qui a transformé l'ananas en chicha morada. Je viens vous raconter l'histoire d'une singe qui, pour une fois, avait la foi. Rose de Lima, la petite de la villa. Au Pérou, elle vouait sa vie à Dieu. Et malgré les moqueries, son amour pour le mec d'en haut, elle ne pouvait le cacher, car elle l'avait dans la peau. Santa Rosa de Lima, Niña Pecueña. Je vous parle d'une jeune fille, courageuse et téméraire, qui a choisi de vivre sa vie pour faire honneur au Saint-Père. Et c'est dans sa prière qu'elle devient une nourricière. Rose de Lima, la petite de la villa. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Sainte Rose aimait aider les pauvres, les malades et les nécessiteux. Elle leur donnait de son temps, leur apportant la paix et la joie de Dieu. Sa bonté et son humilité étaient connues dans tout le Pérou. Et chacun savait que Rose de Lima était là pour le secours. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Aux pauvres gens de Lima, elle servait sa chicha morada. Sa boisson était sa bénédiction. Car même après avoir servi, la chicha pouvait toujours être resservie. Le miracle s'était produit, un signe divin qui nourrit. Sainte Rose de Lima, la petite nourrice, avec sa foi et son amour nous éclate. Santa Rosa de Lima, la Niña. Et aujourd'hui encore, Sainte Rose de Lima est pour nous un exemple de courage et de foi. Une vie véritable dédiée à Dieu. Sa dévotion et sa charité ont touché de nombreuses âmes. Et son amour pour le Seigneur nous rappelle qu'en Dieu, nous sommes tous des femmes et des hommes. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Santa Rosa de Lima, la Niña. Sainte Rose de Lima, en dépit de sa petite taille, a fait des merveilles en servant Dieu et en aimant son prochain. Ce qui nous montre que la grandeur d'une personne ne se mesure pas à sa taille, mais à la grandeur de son cœur et de son esprit. Sainte Rose de Lima, la petite nourrice, avec sa foi et son amour, nous éclaire. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Santa Rosa de Lima, la Niña Pecueña. Maintenant, une autre question qu'on nous demande souvent après les séances liturgiques sur l'Ancien Testament. Combien de nains peuvent embarquer en même temps dans la papamobile? Eh bien, sachez, non pas sachez, je dis bien sachez, oh, jeu de mots, ce jeu de mots chrétien en plus, bon, sachez que la capacité d'accueil de la papamobile dépend du modèle spécifique et de sa configuration. En général, la papamobile mobile est conçu pour transporter le pape ainsi que quelques invités ou membres de la sécurité. Cependant, le nombre exact de personnes qui peuvent y entrer dépend de la taille et de la conception de chaque pape mobile. Donc, si on prend le modèle le plus grand, qui est une Mercedes modifiée, qui a, bien sûr, tout l'équipement pour protéger le petit papy, eh bien, elle peut accueillir jusqu'à 8 personnes en plus du pape qui a son siège papal. Et si on remplit ça de personnes de petite taille, hein, ça donne quoi? Eh bien, lors d'un record du monde en Inde, il a été possible en 2021 d'entasser 122 nains de taille standard dans la pape mobile. Le pape François, il avait ensuite béni les 122 nains et naines courageuses qui avaient participé au record. Fait cocasse à noter, durant le record, le tiroir du coffre à gants a été brisé. L'une des personnes de petite taille indienne, un dénommé Vikram Patel de la case des Frams, c'est ça, ça c'est ceux qui s'occupent de raccrocher les téléphones laissés décrochés dans les cabines téléphoniques, eh bien, ce dénommé Vikram, qui s'était à moitié inséré dans le coffre à gants pour permettre d'utiliser tout l'espace disponible pour en venir au record, ben il est resté pris et il a dû être extirpé en l'attachant par les bras derrière une vache sacrée qui le tirait de là. Ce qui, malheureusement, a causé le bris du panneau permettant de refermer le coffre à gants où le pape a l'habitude de ranger ses lunettes soleil et sa vapoteuse. Et fait cocasse là-dedans, c'est que Vikram a volé le panneau brisé et le revend présentement en petits morceaux sur eBay. Donc, si ça vous tente d'avoir un morceau de pape mobile, c'est possible. Pour 125 000 roupies, l'équivalent environ de 2 000 $ canadiens, vous pouvez avoir un morceau de la pape mobile. Maintenant, c'est l'heure de notre petit jeu, le vrai ou faux liturgique. Bon, cette semaine, comme le podcast est centré ou tourne autour du nain, on a préparé des questions pertinentes en lien avec le sujet. Donc, vous connaissez le jeu, c'est seulement ceux qui écoutent le podcast dans un endroit public avec des écouteurs qui peuvent jouer. Je vous donne une affirmation et vous devez répondre à voix haute si c'est vrai ou c'est faux. Et si une personne de votre entourage vous demande « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu viens de dire vrai? Pourquoi tu viens de dire faux? » Eh bien, vous devez lui répéter la phrase pour laquelle il vous a entendu répondre à voix haute. Par exemple, Sœur Marie-Brute de la Force nous a rapporté que la semaine passée, pendant qu'elle épluchait des patates en cuisine et écoutait notre podcast sur la sexualité, elle a dû expliquer à ses collègues éplucheuses pourquoi elle avait crié un peu trop fort « vrai » à la question « Je masturbe tous les soirs en passant à Jésus ». Donc, vous comprenez le jeu, on débute notre quiz de faits cocasses sur les personnes religieuses de petite taille. Donc, premier vrai ou faux. Les personnes de petite taille ont souvent une plus grande espérance de vie que les personnes de grande taille. Vrai! Certaines communautés de nains pachtouches qui habitent les grands plateaux africains peuvent vivre jusqu'à 160 ans. Eh oui, 160 ans. Vrai ou faux? Les nains sont tous des lutins qui travaillent pour le Père Noël. Faux! Ils ne travaillent pas tous pour le Père Noël, c'est le tous qui était faux. Je sais ça, là-dessus, j'en ai pas mis quelques ans. Vrai ou faux? Les personnes de petite taille ont une plus grande capacité à se faufiler dans des espaces restreints. Vrai, c'est logique. C'est pourquoi on dit il est plus facile pour un nain de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vrai ou faux? Les personnes de petite taille peuvent être utilisées comme référence pour mesurer la hauteur d'objets, comme les portes et les plafonds. Vrai! Les menuisiers et les maçons mesurent souvent la hauteur des plafonds en termes de nains. Il y a un plafond de 5 nains, c'est l'équivalent d'un plafond cathédral, alors qu'un plafond 2 nains et demi, c'est la hauteur standard des plafonds dans la majorité des maisons. Je suis sûre que vous ne le saviez pas. Maintenant, un autre vrai ou faux. Les personnes de petite taille ont souvent des surnoms mignons ou amusants comme Petit Pouce ou Nain de Jardin. Votre réponse ici, c'est vrai et faux. car par respect pour les personnes religieuses de petite taille, on ne devrait pas les traiter de ces noms. Mais dans la pratique, il arrive souvent qu'on dise à la vue d'un nain « Oh, regarde le petit pouce » ou « Check, le nain de jardin catholique qui tond sa pelouse en soutane ». Un autre vrai ou faux. Les personnes de petite taille ont souvent des difficultés à trouver des vêtements de leur taille dans les magasins, ce qui les amène parfois à porter des vêtements pour enfants. Eh bien, c'est vrai, beaucoup magasinent chez Baby Gap, les petits hiboux ou à la petite combine. Vrai ou faux, les nains peuvent disparaître complètement s'ils se tiennent debout contre un mur blanc. C'est faux, seul Jésus a des pouvoirs magiques. Je vous rappelle rapidement les pouvoirs les plus connus de Jésus. C'est, je vous le rappelle, une des questions à l'examen pour pouvoir faire sa première communion. Donc, Jésus, il a quoi? Il a le pouvoir de la guérison. Jésus a guéri les maladies, les handicaps et les blessures de nombreuses personnes, y compris les aveugles, les sourds et les paralysés. Et petit fait cocasse, Jésus, selon tous les écrits qu'on a, n'a vraiment, guéri de personnes de petite taille. Est-ce que c'est peut-être parce que Jésus ne considérait pas le nanisme comme une maladie? Ah ah! Poser la question, c'est quasiment y répondre. Un autre pouvoir que Jésus avait, bien, c'est la résurrection. Jésus a ressuscité plusieurs personnes mortes, notamment son ami Lazare et la fille de Jairus. Un petit fait cocasse, Jésus n'a jamais ressuscité de nains. Ah ah! C'est peut-être que les nains ne se ressuscitent pas. Car en théorie, pour être ressuscité, il faut être mort. Donc, par la théorie du nain barbu, on pourrait facilement déduire que les nains sont des vampires. Car un vampire, c'est un mort vivant. Donc, comme pas tout à fait mort, il serait pas ressuscitable. Haha, poser la question, c'est y répondre. Bon, un autre pouvoir de Jésus, contrôle sur la nature. Eh bien, Jésus, il a calmé une tempête en mer. Il a multiplié des pains, des poissons pour nourrir une foule affamée. Fait cocasse, Jésus n'a jamais multiplié les nains. En fait, on ne connaît aucune descendance à Jésus. Bien sûr, vous le savez, il y a eu des croyances et des théories alternatives qui affirment que Jésus aurait eu des descendants ou des descendances secrètes, mais ces croyances sont généralement considérées comme étant basées sur des spéculations ou des interprétations non historiques et non bibliques. Et je pose la question. Ne nous a-t-on pas caché la descendance de Jésus car il aurait donné naissance à des jumeaux de petite taille? Ah ah ah! Poser la question, c'est quasiment y répondre. Un autre pouvoir de Jésus, question pour votre communion, c'est l'exorcisme. Jésus y a expulsé des démons de nombreuses personnes qui étaient tourmentées. Fait cocasse, Jésus n'a jamais pratiqué d'exorcisme sur les personnes de petite taille. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de vilain à l'intérieur des nains? Ah, ça reste à prouver. Mais pour l'instant, l'Église considère les personnes de petite taille comme tous les autres et je vous rappelle l'importance de respecter toutes les personnes comme des créatures de Dieu et de les traiter avec amour et compassion. Autre pouvoir, prophétie. Jésus y a prédit de nombreux événements futurs, y compris sa propre mort et résurrection. Fait cocasse, Jésus avait prédit la persécution des chrétiens. Jésus y a averti ses disciples que ceux qu'ils suivraient seraient persécutés à cause de leur foi. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 24, verset 9. Puis beaucoup de nains, ben, ils sont persécutés à cause de leur petite taille et non pas à cause de leur foi. Quel est le parallèle entre les deux, d'après vous? Ah ah ah ah! Posez la question. C'est quasiment y répondre. Bon, le dernier pouvoir de Jésus, c'est le pardon. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, comme il l'a fait pour la femme adultère dans l'évangile de Jean. Bon, de retour à notre vrai ou faux, je me suis légèrement écartée du droit chemin. OK, vrai ou faux, les nains sont tous des magiciens avec des pouvoirs spéciaux. Eh bien, c'est vrai! On se rappellera justement Willow ou le gobelin Gripsec qui travaille à la banque Gringotts dans Harry Potter. Ce sont des exemples de gens de petite taille qui ont bien sûr des pouvoirs malgré leur petite taille. Un autre vrai ou faux? Les personnes de petite taille ont parfois des difficultés à utiliser des machines de sport comme les vélos d'exercice et les tapis roulants car elles sont souvent conçues pour les personnes de grande taille. Eh bien, c'est vrai. Et c'est même dangereux. Sur HolyTalk, l'équivalent de TikTok là, dans le monde chrétien, on voit souvent des courts vidéos de nabos qui se blessent sur des tapis roulants. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des nains à l'écoute, et il y en a sûrement, car il y a 0,033% de la population qui est atteinte d'anis, donc ça donne environ 2-3 nains à l'écoute. Donc, s'il vous plaît, quand vous utilisez des tapis roulants ou autres objets motorisés non adaptés à votre grandeur, eh bien, continuez à vous filmer! Car oui, j'aime bien ça, écouter des vidéos de vous sur HolyTalk en disant mon chapelet. Un autre vrai ou faux, les personnes de petite taille peuvent avoir des difficultés à monter sur des chevaux ou à faire de l'équitation car elles sont souvent trop petites pour les selles standards. Eh bien, c'est faux, c'est l'inverse qui est vrai, ce sont les chevaux qui ont beaucoup de difficultés à monter sur les nains. Maintenant, vrai ou faux, les personnes de petite taille peuvent avoir des problèmes de visibilité dans les foules car elles sont souvent cachées derrière des personnes plus grandes. Eh bien, c'est vrai, ben oui. Vrai ou faux, les nains sont tous des membres de la communauté souterraine qui vivent sous terre et ne sortent que la nuit. Eh bien, c'est majoritairement vrai! Et il y a aussi des elfes qui vivent sous terre, comme Dritz Duorden. Vrai ou faux? Bon, on achève, là. Il en reste deux. Bon, l'avant-dernier. Les personnes de petite taille peuvent avoir des difficultés à atteindre les boutons d'ascenseur et les boutons d'arrêt dans les bus. Eh bien, c'est vrai! On dit d'ailleurs chez Statistique Canada que 80% des nains qui se plaignent de ne pas pouvoir atteindre le bouton pour signifier au bus de s'arrêter ont 64% plus de chances de se faire heurter par une charrue jaune en hiver comparativement aux 13% qui se plaignent d'avoir des problèmes en ascenseur qui, eux, ont seulement 6% de chances d'être heurtés par un chariot de cantine conduit par une vieille dame. Et finalement, le dernier vrai ou faux, les personnes de petite taille ont parfois des difficultés à trouver des partenaires romantiques qui acceptent leur taille? Eh bien, poser la question, c'est quasiment y répondre! Voilà, on part en musique et au retour, on termine ce podcast comme on le fait chaque semaine, en parlant avec Dieu. Bonne musique! Ça fout la frousse, mon truc t'étouffe comme le couscous. Et la grosse secousse dans la brousse pourvu qu'elle soit douce. Et sincère, jamais faux cul comme le Medef et ses bornes Toulouse. Comme les responsables d'AZF, ces murs Uroa. Toxique comme la mort aura, tu murmures. Ça te rend tout comme un koala, tes zonas. Mon truc t'attaque comme un zona. Repense à tous ces zous dans ta somme, tu zonas. Reste zen, arrête de t'en foutre dans zen. Stup, c'est de la drogue, va l'écrire dans ton magazine. C'est comme Materazzi et Zinedine. Et je te shoot dans la tête, envoie ton crâne jusqu'aux Philippines. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Quel charivari, ça balance grave à Paris. 894 membres. Me pompe pas ma façon de crier. Où c'est tribunal, le gang des motards sera resté original. Quel gap J, ça se castagne au CIDJ. Noir est ma magie, mais jamais ça s'est assagi. Profil bas, j'suis pas très pisse ni en bas là-bas. Il restera entier ce mystère au chocolat. Soumets-toi, rencard à 4 heures sur le toit. Amène tes arguments, j'amènerai mon nunchaka. Ma colère gronde, j'te ferai cuire au micro-ondes. J'irai pisser sur ta tombe, ce sera immonde comme la fin du monde. Just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Dominique, knack, paddy, wack, c'est rascar, kabak. Ma technique te slack, mon meilleur pote, c'est mon Mac, mec. J'aime mon hamac, mais ma technique tonique. J'suis trop esthétique quand j'ai bu de gin tonic. Époque en toc, que le grand cric me croque. Bla bla bla, fuck le rock et le baroque. Dans peu de temps, je serai la coqueluche. Y'a trop de cons qui l'aiment. pour me serrer la paluche. Ma stupzik fout des hématomes. Et y'a pas de mal, vu l'état de la zik dans l'hexagone, ça fait poum poum tchac. Mon truc te déstresse la nuque, mec. Accroche-toi au rideau, quand je déboule, ça fout la frousse. The crew, the crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, the crew, the crew, the crew, the crew, the crew. Vous avez trois nouveaux messages. Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur ego quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont gourés. Y'en a qui disent il était trop gentil, maintenant fini de se faire avoir. Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur, baladeur. Comme chaque semaine que la vie nous apporte dans le podcast, on téléphone à Dieu et on lui pose les questions que vous nous avez envoyées. Donc, laissez-moi composer le numéro. Et oui, Dieu est maintenant accessible via une ligne en 1-976 jour et nuit, 24h/24. Et bien sûr, dû à son omniprésence, Dieu est partout. Donc, bien sûr, vous ne seriez pas obligé de lui téléphoner. Mais dans le podcast, c'est plus pratique. Ça fait plus interactif. Oui, allô? Bonjour, Dieu. C'est frère Federico. Encore toi? Ouais. Merci de nous répondre cette semaine encore. J'ai plusieurs croyants qui m'ont envoyé leurs questions. Là, donc, j'ai ramassé leurs questions, puis j'aimerais ça te les poser. OK, mais fais ça vite, j'ai pas juste ça à faire. OK, ben je me lance tout de suite. Il y a Barbaro qui fait demander « Pourquoi as-tu créé les moustiques? » Bon, je suis désolé pour les moustiques, mais j'avais besoin de quelque chose pour occuper les scientifiques à essayer de trouver un moyen de les éradiquer. Vous devez admettre que je suis assez créatif. Hein? Effectivement. OK, une autre question. Il y a Gwendoline qui se dit non-binaire et qui demande « Comment fais-tu pour garder ta barbe aussi bien entretenue? » Eh bien, je suis Dieu, après tout. J'ai pas besoin d'utiliser de produits pour la barbe ou d'aller chez le barbier. Ma barbe reste naturellement soyeuse et bien entretenue grâce à mes pouvoirs divins. OK. Maintenant, il y a Poupi22 qui, bien sûr, est un surnom Internet. Bof, tu connais Internet, là. C'est toi qui nous a fourré ça dans tes mains. Ben, Poupi22, il demande « Quelle est ta série Netflix préférée? » Eh bien, j'ai créé l'univers et toutes les galaxies, donc j'ai pas vraiment le temps de regarder la télévision, mais si j'avais à choisir une série, je pense que je dirais que j'aime bien The Crown, car ça me rappelle ma royauté divine. Ok, maintenant il y a Sifflon qui demande pourquoi avoir créé les chats si paresseux. Eh bien, je voulais créer des animaux qui puissent inspirer les humains à ralentir et à prendre le temps de se détendre. Les chats paresseux étaient donc la réponse parfaite. De plus, les chats paresseux ont des yeux qui ressemblent à des beignets et qui peut résister à ça? Effectivement. Il y a Augustin qui demande quelle est ta pizza préférée. Eh bien, ouais, Augustin, c'est tout un tort. Mais en tant que créateur de toutes choses, je dois avouer que j'ai un petit faible pour les pizzas aux ingrédients divins, comme les éclats de foudre, les champignons magiques et les olives divines. Mais pour être honnête, je mange pas beaucoup de pizza quand je dois garder mon régime céleste en équilibre. Ok. Maintenant, il y a Sœur Jaliana qui demande « As-tu déjà eu un jour de congé? Et si oui, qu'as-tu fait? » Eh bien, un jour de congé pour Dieu? Mais qui gérerait le monde pendant ce temps-là? En tant que créateur de toutes choses, mon travail est sans fin. Mais parfois, j'aime prendre un peu de temps pour moi, mais juste de temps en temps. Parfois, je vais prendre un nuage du douillet, un nuage, et je fais la sieste. Ou peut-être, des fois, j'aime ça jouer ici au billard divin avec mes anges. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis toujours sur appel pour toute urgence céleste. Maintenant, moi, personnellement, j'avais une question. J'aimerais savoir, quelle est la plus grande blague que tu penses avoir jouée à l'humanité? Ok. Il y en a eu tellement. Vous savez, moi, j'aime bien taquiner les humains de temps en temps. Pour vous, au Québec, il y a eu Jean Charest, ça, c'en est une bosse. Dernièrement, il y a eu le troisième lien. Attends, laissez-moi penser. Oh oui, je vous ai fait le coup de Raël aussi à un moment donné. Je vous ai gâté quand même. Mais peut-être que la plus grande blague que j'ai jouée à l'humanité au complet, c'est de vous donner le droit de libre arbitre et de vous regarder naviguer dans la vie sans savoir ce qui va arriver ensuite. Mais, ou sinon, ben, c'est peut-être la fois que j'ai créé Moustique. Vous, les humains, vous pouvez jamais avoir trop de piqûres de moustiques, hein, n'est-ce pas? Mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis pas un dieu mesquin, je suis toujours là pour vous aider quand vous avez besoin de moi, malgré les petites farces que je vous fais. Bon, maintenant, dernière question, Dieu. Si vous pouviez changer une chose dans la création, qu'est-ce que ça serait? Yo, mec, check ça, mon 06 pour que tu me laisses tranquille. Non, je déconne. Je vais voir ce que je peux faire. Si j'avais les manettes, je mettrais un coup d'upgrade sur l'espèce humaine. Tu vois, je corrigerais les bugs, j'améliorerais les fonctionnalités et je rajouterais un peu plus d'IA et de compassion. Mais t'inquiète pas, je force pas la mise à jour. Je vous laisserai choisir quand vous êtes prêts. Bon, ben, merci Dieu. Je dois maintenant y aller. J'ai un appel sur l'autre ligne avec la diable. C'est comique. En passant, avant que tu quittes, j'aimerais te faire une demande spéciale, une demande musicale pour ton podcast. Ben oui, pourquoi pas, c'est quoi? Ben, je sais que t'aimes bien le rock chrétien, là. J'aimerais ça du Iron Maiden. Ok, parfait, je te joue ça. Ouais, mais demande spéciale, j'aimerais ça que ça soit à l'accordéon. Ben non, pas à l'accordéon. Quoi, tu veux pas répondre à une demande de Dieu? Tu veux pas ta place au paradis, toi? Oh, ouais. Ok, parfait. On termine donc le podcast là-dessus. Dis bon, Iron Maiden à l'accordéon. Merci. Merci à nos auditeurs d'avoir été là. Merci à Dieu d'avoir répondu. Merci, puis bonne écoute. We'll be right back.